m'en marchais en l'air punaise. Aïe, qui tombait dit photos, non, là, m'en pas ni nouvelles. Depuis des semaines, allez, bois café, paraît-il si grand corps. Manque à brûler.